rapidement d'en mettre. Que peux-je donc faire pour hériter les trésors célestes? J'en ai tant sur terre de toute richesse, mais je veux aussi avoir d'en haut. Je ferai bien ce que tu dis pour son nom paraît. Je ferai bien ce que tu dis pour son nom paraît. Oui, maître, dis-moi, que peux-je bon faire? Souviens-toi, jeune homme, de la loi de Moïse, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère pour que tu prospères. Aime ton prochain comme toi-même et que tu prospères. Je les ai observés dès mon enfance. Je t'aime et je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es vraiment plus loin du royaume. Alors écoute ceci, sois bien attentif, car qui te manque une chose à comprendre. Je t'aime bien, va vendre tous tes biens et suis-moi. Je t'aime bien, va vendre tous tes biens et suis-moi. Ainsi tu acquerras les trésors d'en haut. Je suis bouleversé du fond de moi, car s'il s'agit seulement d'une adoration, d'un sacrifice ou d'une chose pareille, je le ferai bien de tout mon cœur. Mais ma richesse est ma vie, oh oui, toute ma vie. Mais ma richesse est ma vie, oh oui, toute ma vie. Je t'aime bien, bon maître, mais vraiment désolé. Tellement facile.